l'impression que mon bureau, il y a toujours du sucre. Je ne pourquoi j'ai fait ça. Voilà, ça fait tout son premier du coup. Ah, y est. Ah ouais. Ah ben, bah, c'est plus, on peut peut-être y aller vendredi, ou aller visiter vendredi, tu vois. Je vais faire un bon dit, comme si c'était à l'hôpital. Ouais, ta fille, elle travaille dans quoi l'hôpital? Dans le... Il y a même le scanner, les secrétaires. Bon, là, il y a déjà un annulaire, c'est vraiment. Vendredi. Ouais, vendredi et la fin de vendredi. Bah ouais, profite, tu vois pas tes petits-enfants, tout ça, tu sors pas? Oh, je sais pas, moi. Ah, tu vas pas caler tout ça? Bon, là, on va faire une journée, hein. Après vendredi, je crois pas. Ouais. Tu vas peut-être à la plage faire un petit tour quand même. Ouais, j'arrive pas à la dire. Tu peux. Avec du temps, quand tu veux. J'ai envie de chercher des moules, j'ai envie de manger des moules. Ah, j'ai envie aussi, moi, des petits week-ends d'année. Tu vas aller chercher ou... Non, c'est pas. Ah ouais. Moi j'aime bien aller les cueillir. Ouais, mais moi je suis pas au bois, je suis toute seule. Ouais. Mais je l'avais dit à mon homme, je ce serait du temps, mais au mois de mai, ils sont pas si bons. Non. Bah non, on dit toujours c'est un bruit. La mer, elle mousse. C'est le bruit de la mer que vous le mettez. Mais j'avais envie d'en manger aussi, tu vois. Ouais, là je vais en manger un peu. Bon, je te laisse, parce qu'il y a des bonnes journées. Ouais. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. dans ce moment, à la vie scolaire, il y a un temps. Ah, 35 heures. Courage. Je veux dire. Ah ouais, ça aurait été bien. Ça fait 3 semaines que je travaille, je suis du non-stop. Bon, je vous bon, bonne continuation.